Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'une aventure de 303 jours, d'août 68 à juin 69, entre un homme et la mer, entre l'universel et l'infini. Cette année-là, alors qu'à Cap Kennedy on fonce vers la Lune pour la mission Apollo 11, sur notre bon vieux globe, 9 marins tentent l'un des derniers exploits des mers, faire le tour du monde, sans escale, par les 3 grands caps et en solitaire, la totale. 9 hommes, seuls face aux éléments, sans aide extérieure, sans satellite ou matériel moderne de navigation, ils doivent apprivoiser les courants et le ciel, éviter les glaces et les coups de vent. Parmi eux, un Français, Bernard Moitessier. Par choix, il n'a pas gagné cette course. Il aurait pu avoir la gloire, l'argent, non. Il a préféré sa liberté et l'océan. Kerouac des mers, Moitessier a marqué toute une génération qui a découvert les océans par ses mots avant de hisser les voiles à son tour. De cette traversée de 303 jours, il a tiré un livre, La Longue Route, d'où la référence à Kerouac. Grâce à lui, à des enregistrements sur magnétophone durant le voyage, et puis grâce à un film réalisé avec ses images et sa voix, nous allons reprendre la mer de Plymouth à Tahiti. Pendant une heure, nous allons découvrir les humeurs de 3 océans, naviguer en compagnie des albatros et des poissons volants, et nous allons écouter, bien sûr, Bernard Moitessier. En seconde partie, pour parler de cette histoire et de la mer, nous recevons Titouan Lamazou, navigateur bien sûr, vainqueur du Vendée Globe, challenge en 1990, mais aussi peintre et dessinateur. Il nous attend dans les studios de France Bleu, à Nice. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Ario Bernard, c'est ainsi que débute cette histoire, par les mots d'un Australien perdu à Toulon, à la recherche d'un homme qui a fait de l'océan son continent, Bernard Moitessier. Au printemps 1968, dans les bars de tous les ports du monde, Moitessier est déjà un nom. Avec sa femme, Françoise, et son ketch de 12 mètres de long, Joshua, il a accompagné la plus longue traversée sans escale. Il a accompli cette traversée, oui, 26 000 marins, de Tahiti à Alicante, en doublant le Cap Horn. Yes, who are you? What do you want? L'homme venu à sa rencontre se nomme Murray Sale. C'est un Australien qui a déposé ses valises à Londres où il travaille pour le Sunday Times. Est-il venu pour une interview? Pour réaliser un portrait? Non. Son journal a un projet incroyable du jamais vu qu'il souhaiterait lui proposer. De l'autre côté de la Manche, l'océan et les aventures de ces hommes qui osent défier font vendre. Depuis l'exploit en 1966 de l'anglais Francis Chichester, le premier marin à avoir effectué un tour du monde avec une seule escale, de nombreux navigateurs souhaitent tenter la longue route, le tour du monde, en dépassant le cap de Bonne-Espérance, le cap Horn, et celui de Lewin, sans jamais accoster. Oui, seul avec la haute mer et ses colères, seul avec soi-même et ses angoisses. Une aventure extraordinaire d'au moins 300 jours. Bill King, un navigateur britannique, a déjà annoncé son souhait de partir au plus vite pour tenter l'exploit. Le marin a reçu le soutien du journal Le Sunday Express. Alors, pour damer le pion à la concurrence, Le Sunday Times voit plus grand. Il propose aux aventuriers de la voile de partir d'Angleterre entre le 1er juin et le 31 octobre 1968 et d'y revenir après avoir dépassé les caps avec à la clé 2 récompenses. Le premier arrivé recevra un globe d'or. Le plus rapide, qui n'est pas forcément le premier arrivé, partira avec la somme de 5000 livres. Chaque concurrent devra partir seul. Il ne pourra s'arrêter ni demander d'assistance. Voilà le deal. Does it sound right to you? En écoutant les dires de l'anglais devant son café crème, Moitessier reste pantois. Lui aussi a en tête ce grand défi, mais jamais il ne l'a imaginé comme une course, un affrontement à distance avec des adversaires, non. La route est exigeante et grandiose par ses risques et sa beauté. Elle est un voyage extrême, face à face entre un bateau et les vents, entre un homme et l'infini. Fous sont ceux qui souhaitent faire de l'océan un cirque où des journaux fortunés y jetteraient des gladiateurs navigateurs. Donc, c'est non. Passez votre route et bon vent. Par chance, Mr. Sale est coriace et Bernard Moitessier, lui, est comme le temps, changeant. Une semaine après leur première rencontre orageuse, Murray Sale tente de nouveau sa chance et constate avec surprise que Moitessier n'est plus à convaincre, non. Il a pris sa décision, il rejoindra Plymouth, lieu de départ, le plus tôt possible. Et pourquoi cette volte-face? Eh bien, il se trouve que le marin français ne roule pas sur l'or, donc s'il peut récupérer le globe, il se fera un plaisir de le mettre aux enchères. De plus, la route Toulon-Plymouth, par les golfes du Lion, de Gascogne et de la Manche, est un parfait entraînement avant la longue route. Et c'est ainsi que Joshua débarque en Grande-Bretagne au mois d'août 1968. À Plymouth, Moitessier retrouve Loïc Fougeron, le second Français engagé dans la course. Comme cadeau de bienvenue, les journalistes du Sunday Times offrent à chaque navigateur un appareil photo étanche et les conseils du photographe du journal, ainsi qu'un poste radio-émetteur qui permettra aux concurrents de communiquer leur position. Bernard Moitessier prend l'appareil, mais refuse le poste radio et ses imposantes batteries. Hein, pourquoi quitter la Terre pour garder une oreille sur elle? Après tout, un bon lance-pierre vaut tous les postes émetteurs du monde, se dit-il. De plus, depuis son arrivée, Moitessier traque chaque élément superficiel, chaque poids qui pourrait ralentir son allure. En mer, la légèreté est souvent source de sécurité. Il débarque ainsi 4 ancres, 400 kilos de chaîne, des bouquins, des peintures, des filins. Une tonne est ainsi mise à l'abri. Il garde juste 4 livres, une caméra et un magnétophone. Le jeudi 22 août, après plusieurs jours d'attente, on annonce un vent nord-est. Moitessier monte à bord de Joshua. La longue route commence. Départ de Plymouth, la vedette qui m'accompagne avec Françoise à bord. Elle n'était pas gaie, alors que moi je pétais de joie littéralement. Pas un peu égoïste. Je sais, mais je pétais de joie quand même à l'idée de faire ce voyage. Vous comprenez, il y a trop de trucs dans les tripes d'un gars. Il y a trop de trucs qui... Trop de trucs qui tournent là-dedans, hein. Mais... Normalement, à prendre ou à laisser, vous avez à choisir entre votre vie ou une femme, c'est votre vie. Il n'y a pas à tortiller. Chacun a sa vie. On doit en faire ce qu'on veut de sa vie, à condition de ne pas nuire aux autres. Le vent tient bon. À vive allure, Joshua glisse dans l'axe de la Manche. La longue route ne souhaite pas pour l'instant se dévoiler. Au troisième jour, enfin, le brouillard se lève et dévoile un bleu sans nuages, d'un horizon à l'autre. Bref, tout va bien. Le 29 août, il est déjà à la hauteur du continent africain, direction Madère, puis les Canaries. Le 1er septembre, avec l'alizée de Nord-Est, Moitessier rencontre les premiers poissons volants de son périple. Étrange et fascinant animal, dont les nageoires en forme d'ailes lui permettent de planer. Pendant ses vols, certains s'égarent parfois sur le pont de Joshua. Tout au long de sa descente de l'Atlantique, ils sont souvent là après les Canaries que Moitessier dépasse le 2 septembre, le long de la côte sénégalaise, entre le Cap Vert et Dakar, et jusqu'à l'entrée du Poteau Noir. Poteau Noir, tout est dans le titre. 900 milles entre le 15e et 5e parallèle nord, près de l'équateur. C'est une zone calme, de vent variable, avec une alternance de pluies diluviennes, de grains, d'orages et de risées folles. Donc, rien de risqué. Mais les journées sont longues, très longues, tant on semble impuissant face à ces éléments. C'est une mer sans soleil, ni poissons, ni oiseaux. Des jours tristes à se demander ce qu'on fait là, à lutter pour ne pas sombrer dans le noir de ses idées. Au bout de 10 jours, les poissons volants sont de retour. Le soleil aussi, la zone poteau noir est dépassée. Moitessier salue le ciel bleu comme il se doit. Sur le pont, il s'allonge et s'étire tout du long, lentement, cherchant chaque muscle, chaque articulation. La bouche bâillant, les yeux écarquillés, il laisse pénétrer dans tout son corps les rayons du soleil, le vent et l'air. Il s'approprie chaque élément qui l'entoure et profite de l'instant. Le 29 septembre, une terre est en vue. L'île Trinidad et ses falaises tranchantes apparaissent. C'est l'île Trinidad qui se trouve à peu près par 22 degrés de latitude sud. Et c'est la première terre que je vois après quelques semaines de mer. Je voudrais essayer de faire passer un message par le poste radio, puisqu'ils ont certainement un poste radio ou quelque chose sur cette île. Leur dire, bon ben signalez Joshua. Enfin, Joshua a été vu en bon état, prière de signaler aux Lloyds. Et mon espoir également, c'est de pouvoir remettre du courrier qu'ils enverront à ma famille. « Josua dérive lentement vers le bord de l'île. Voilà plus d'un mois que Moitessier est parti. Alors, il voudrait rassurer ses proches et François sort son moral sur l'état du bateau. En longeant la côte, il aperçoit à la jumelle un petit village au toit vert. Mais quelque chose cloche. Ce village semble en sommeil. Toutes les fenêtres sont closes et il n'y a aucun habitant en vue. À l'aide de la corde de brume, il tente d'attirer l'attention. Après plusieurs essais, il voit sortir d'une grande maison un, puis deux, puis une dizaine de personnes. Elles lui font signe, il fait de même. Il espère que l'une d'entre elles va prendre une vedette et venir à sa rencontre. Mais aucun des habitants ne souhaite apparemment prendre la mer. Non, tous s'installent sur les marches de l'escalier et le regardent. Mais enfin, que peut vouloir cet homme sur ce voilier, doivent-ils se dire. À bord du Josua, Moitessier se fait une raison. Le facteur ne passera pas aujourd'hui. Il espère juste que ces gens qui le snobent ont quand même noté le nom du voilier et qu'ils l'annonceront à qui de droit. Après quelques heures, Trinidad est dans son sillage, en route maintenant pour la pointe de l'Afrique. ...59 jours après son départ, le 19 octobre, peu après que le soleil s'est couché, Josua atteint le phare du Cap des Aiguilles. Sur le globe, c'est le point le plus méridional du continent africain, la frontière imaginaire entre l'Atlantique et l'océan Indien. Avant de dépasser Bonne-Espérance, il espère croiser quelques yachts dans la baie de Walker. Mais une nouvelle fois, les éléments sont contre lui. Avec un vent de force 7, aucun bateau de plaisance n'est en mer. Alors, un cargo, peut-être ? Oui, il y en a un là, grand et puissant, à la cheminée ronflante. Selon les calculs de Moitessier, il devrait le croiser sans risque. Alors très vite, il écrit un message, puis le place dans un tube d'aluminium et remonte le colis qu'il avait préparé avec les photos de son journal de bord, ainsi que les premiers fichiers de son voyage. Quand le cargo est à 25 mètres de lui, Moitessier arme son lance-pierre. Le tube, avec le message, tombe sur la plage avant. Le bruit attire l'attention de trois marins qui s'approchent de la passerelle. Forcément, c'est rare, des messages qui tombent du ciel. Moitessier hurle « Message, message !» et montre ses bras chargés. « Ok. » Le capitaine donne un coup de barre, le pont central s'approche. À 12 mètres, Moitessier tente sa chance. Second envoi, second succès, enfin presque. Le cargo continue à chasser vers lui, Moitessier tente d'éloigner son bateau, et il ne va pas assez vite. Et Josua frotte à deux reprises. Moitessier constate deux dégâts, l'un sur le grand mât, l'autre sur le bout dehors, les spars qui pointent à l'avant du voilier. Il est plié à 20%. Il s'en est fallu de peu. Malgré l'accident, Moitessier garde l'esprit vif, lucide. En moins de 2 heures, il répare les deux haubans. Le mât, un vieux poteau télégraphique, retrouve son rang comme si de rien n'était. Pour le bout dehors, après 2 jours de réflexion et d'angoisse, il réussit à le redresser à l'aide d'un palan. Donc, plus de peur que de mal. Finalement, ce premier choc rapproche encore un peu plus l'homme et le bateau et l'homme. C'est beau la nuit. Ça, c'est quelque chose de fantastique, la navigation de nuit. Fantastique, pour la première fois, être dans la nuit et se rendre compte qu'on n'a pas peur. Vous voyez que la nuit est amicale. Les doigts finissent par avoir des yeux. On y voit avec ses doigts. Je ne prends jamais une lampe électrique la nuit. C'est même plus de l'automatisme. C'est de participer intégralement à son bateau. C'est d'être devenu soi-même le bateau. Il n'y a plus un homme et un bateau. Il y a un bateau-homme ou un homme-bateau. Le Cap de Bonne-Espérance, le bien nommé en l'occurrence, est atteint le 20 octobre. Son passage est une sorte de no man's land qui s'étend sur 600 milles. Vous n'êtes plus dans l'Atlantique, mais pas encore dans l'océan Indien. Sa traversée est risquée. Ici, la mer a des humeurs changeantes, bien plus compliquées à déchiffrer qu'ailleurs. Paisible, elle devient nerveuse, inégale, sans crier gare. Il faut être attentif, sûr de ses choix. Or, Moitessier l'est de moins en moins. Fatigué sans doute par les jours de tension après le choc, il dort peu, passe des heures à rétablir le floc, à prendre un cap. Alors, c'est à Josua qu'il laisse la route. Oui, un peu comme Lucky Luke à Jolly Jumper, Moitessier parle, lui, à son bateau et lui demande de l'aider un peu. Bien, le ketch tient son rang, il passe les eaux sans encombre. Et peu à peu, le temps redevient beau. Le passage de Bonne-Espérance n'est plus qu'à quelques milles. Avant son départ, l'architecte du bateau avait offert à Moitessier 3 bouteilles de champagne, une pour chaque cap. Même s'il n'aime pas les cérémonies ce matin-là, il prépare tout pour célébrer cette première victoire. Il met Josué en panne, face au vent, et on ne bouge plus, et coup à contre, le bateau est bloqué, barre dessous, et voile au baril, droite, pour ne pas avancer. Il réchauffe une soupe de poisson et débouche sa première bouteille. Selon ses souvenirs, il boit tout doux et finit la bouteille à petite gorgée, laissant l'ivresse invitée à son bord. Ce soir-là, il croit voir un homme sur le pont parler à Bonne-Espérance. Il n'est resté que quelques instants pour s'évaporer dans le ciel, un côté Lucine de Sky. Là-haut, sur la voûte céleste, les étoiles scintillent. En les regardant, Moitessier retrouve les rives de son enfance, près du golfe de Siam, en Indochine. Né à Hanoï en 1925, c'est à bord des jonques des vieux pêcheurs qu'il est devenu marin. C'est avec eux qu'il a commencé à apprivoiser les courants et à apprendre la légende des océans. Selon les dires des vieux pêcheurs, quand les étoiles scintillent, c'est que le vent approche. Et comme par magie, le lendemain, le vent, effectivement, est de retour. Et l'océan Indien s'ouvre à lui. À bord du Josua, les journées se répètent. Avec tendresse, Moitessier observe l'univers des mers, scrute le vol des albatros comme le sillage des poissons nageant le long de la carène. Pendant les calmes, et si la température de l'eau le permet, il aime plonger et nager. Une seule chose semble l'ennuyer lors de ce voyage, la cuisine qu'il délaisse. Si Moitessier est étoilé, ce n'est pas de la toque, mais de la coque et du ciel, bien sûr. Poisson volant, il tombe la nuit sur le pont. Je n'aime pas faire la cuisine. Je déteste me creuser les méninges pour savoir ce que je mangerai. C'était surtout un énorme curry ou une énorme platée de riz parce que j'avais faim avec une boîte de crabe, par exemple, et un bon coup de rouge par-dessus. Quand Josua fait route vers l'Australie et le Cap Tewin, Plymouth, les deux derniers concurrents s'en vont. Un Anglais à bord d'un trimaran et un Italien qui abandonne quelques jours plus tard à cause d'un ulcère. Bill King et Loïc Fougeron ne sont plus de la partie également. Moitessier ne le sait pas, mais ils ne sont déjà plus que 4 en course. Lui, Knox Johnson, Tetley et Claw Hertz. À l'allure où il navigue, il pourrait rejoindre l'Angleterre le premier. Mais dans la tête du navigateur français, Plymouth est encore loin. L'océan Indien est le plus sauvage. À 2 reprises, Josua se couche, mais aucune avarie n'est à déplorer. Au sud-ouest de l'Australie, Moitessier note dans son journal « Dieu que je suis bien ici, pas pressé de rentrer ». A-t-il déjà été aussi heureux? Chaque jour, il écoute la mer, le vent, les voiles, il filme, photographie, observe les oiseaux de haute altitude et tourne des pages. Pendant ce voyage, j'ai beaucoup lu. Je veux dire que j'ai relu les livres que j'aimais. Et chaque fois qu'on relit, il y a quelque chose de plus. Il y a 3 dimensions normalement, la longueur, la largeur, bon, ça fait un truc plat. Et puis, il y a la 3e dimension qui est la profondeur ou le relief. Et puis, ça prend de plus en plus de relief, ce que vous lisez et relisez dans une paix intégrale. J'ai beaucoup lu Saint-Exupéry et Romain Gary. Je relisais Le Terre des Hommes, beaucoup, Les Racines du Ciel, Zorba. Le 24 décembre 1968, Noël. 4 mois déjà. Les terriens suivent avec passion l'émission héroïque d'Apollo 8. Pour la première fois, des hommes s'approchent de la Lune et la filment. On dirait que les astronautes Borman, Lovell et Anders vont la toucher. Alors que sur le globe, un homme et son bateau, seuls, naviguent sur l'océan Indien, qui s'est montré clément avec beaucoup de calme et de soleil. La mer de Tasmanie aussi. Après l'avoir traversé, Moitessier suit un cap direct et ne tire pas vers le sud. Le vent n'est pas au rendez-vous. Josua se traîne. Ce 24 décembre, la mer est presque plate. Le temps, calme. Ce soir-là, un convive s'invite près du voilier, un phoque, qui salue le marin en agitant lentement ses palmes postérieures. Il sera son seul compagnon du réveillon. En plein soleil, Moitessier déballe un jambon fumé d'York. Il se prépare ce jour-là un repas avec une boîte d'1 kilo de cœur de laitue, du fromage et du vin. Quand le soleil se couche, le cafard s'installe à sa table. Alors, pour le chasser, il ouvre la seconde bouteille de champagne. Il s'assoupit, l'esprit dans le brouillard. Bonne nuit, monsieur Moitessier. Demain sera un autre jour. Passage de la Nouvelle-Zélande, il y avait une centaine de dauphins qui jouaient avec Josua au début et qui se sont mis à s'énerver. Ils passaient alors par bande de 20 de front, ils passaient à toute vitesse de l'arrière à l'avant du bateau, à toute vitesse, et quand ils atteignaient l'avant, ils viraient à angle droit et filaient sur la droite, à toute vitesse. Que je vais dire fera sourire et pas mal de gens peut-être. Mais je me suis aperçu à ce moment-là que le vent avait tourné et que je me dirigeais tout droit vers les cailloux qui étaient à 7 ou 8 milles. Autrement dit, si j'étais retourné dans ma cabine, une heure plus tard, j'étais échoué, je perdais mon bateau. J'ai réglé les voiles et pris le bon cap. Et à ce moment, les dauphins se sont calmés. Ils sont devenus normaux et l'un d'eux a fait 3 sauts périlleux absolument extraordinaires. Et que c'était comme un cri de joie qu'il lançait. Josua Bernard Moitessier, Les Dauphins éclaireurs. Dans son ouvrage, le navigateur écrira plus tard. C'est la première fois qu'il y a une telle paix en moi, car cette paix est devenue une certitude, une chose qu'on ne peut pas expliquer comme la foi. Je sais que je réussirai, et je trouve ça absolument naturel, cette certitude absolue, où il n'y a ni crainte, ni orgueil, ni étonnement. Toute la mer chante, simplement sur une octave que je ne connaissais pas encore, et cela me remplit de ce qui est à la fois la question et la réponse. Voilà plus de 4 mois que Bernard Moitessier est parti d'Angleterre, comme 8 autres concurrents qui ont accepté de partir faire le tour du monde en solitaire, en passant 3 caps, sans une seule escale. Entré à contre-cœur dans cette compétition, Moitessier a préféré partir sans radio. Il ne sait donc rien des avaries et des tempêtes subies par les autres concurrents. Au 1er janvier 1969, ils sont encore 4 en course. Et devrais-je dire, seulement 4. Lui vient de dépasser la Nouvelle-Zélande. Le vent est faible, mais souffle dans la bonne direction, c'est l'essentiel. Josua tient le cap vers la pointe de l'Amérique du Sud et son cap Horn. Peu à peu, la flèche du baromètre descend. Avec le coup de vent, la mer est devenue blanche d'écume. Assis sur la chaise du poste de pilotage, moi, Tessie regarde l'eau phosphorescente à travers le hublot. Vous entendez ? C'est le bruit de la mer. Ça fait des mois et des mois que je l'écoute, et ça me suffit. On a l'impression que c'est toujours le même bruit, mais je vous assure, elle me dit des tas de choses que je commence seulement à comprendre un peu maintenant. Et vous voyez, eh ben, c'est pour ça que je continue. Et il faut aller plus loin, vous voyez. Ça suffit pas, il faut aller plus loin. Plus loin encore, plus loin. Reprendre le sud de l'Atlantique, repasser Bonne-Espérance, Lowin, la Nouvelle-Zélande, puis rejoindre les îles Galapagos. De sa situation actuelle, elles ne sont pas si loin. Il faudrait juste virer un peu la barre à droite. Mais il est trop tôt. Moi, Tessier n'est pas encore arrivé au bout de lui-même. Le Cap Horn d'abord, après on verra. Dans la descente vers la pointe de l'Amérique latine, la mer est devenue rugissante. Pluie, grêle, grosse déferlante et des coups de surf impressionnants qui manquent de faire chavirer Joshua plusieurs reprises. Mais le catch tient bon. Le 3 février, le ciel se dégage, le soleil brille dans un ciel tout bleu et Horn surgit. Pour les cartographes, le cap est une longitude et une latitude. Pour les marins, il représente bien plus. Moi, Tessier disait, un grand cap a une âme, avec ses ombres et ses couleurs très douces ou très violentes. Une âme aussi lisse que celle d'un enfant, aussi dure que celle d'un criminel. Et c'est pour ça qu'on y va. Sur le pont, il le contemple longuement, le cap. Il regarde chaque détail de ce rocher perdu au milieu de l'eau et de la vie, ces oiseaux géants qui tournent autour de lui, et l'océan qui redessine ses traits en se brisant sur sa roche. Après avoir salué le cap comme il se doit, moi, Tessier descend fumer une cigarette et boire un café. Devant lui, il observe le petit globe. Il regarde l'immense boucle tracée, puis il se dit « partir de Plymouth pour rentrer à Plymouth, c'est comme partir de nulle part, pour nulle part ». La lueur de la banquise, hein, dans le sud, quand le front froid est passé, vous savez, il y avait le caca d'abord, hein, il y avait la merde, le crachat et tout ça, hein, et puis le front froid est passé. Joshua, c'était devenu, mais une flamme, vous entendez, une flamme sur cette mer. C'était fantastique. Et toutes les étoiles se sont mises à briller. Il y avait cette lueur dans le sud, la lueur de la banquise, mais alors un éclat blanc, vous voyez, et toute la mer était toute blanche, de déferlantes, de plaques d'écume, tout ça, vous voyez, mais c'était blanc, phosphorescent, c'était... On aurait dit qu'on était dans un autre monde. En février, pendant une dizaine de jours, moi, Tessier doit naviguer vers le nord-est pour se sortir de la zone des glaces. Horn s'éloigne peu à peu, comme le froid. 12 jours après le cap, il fait presque 25 degrés dans la cabine. Et de nouveau, moi, Tessier peut plonger dans l'eau. À mi-chemin entre le Cap Horn et Bonne-Espérance, il fait un rêve étrange lors d'une sieste. Il se voit à Plymouth avec Loïc, le deuxième concurrent français. Joshua est enfermé dans un bassin sans possibilité de le regagner. Moi, Tessier crie son souhait de partir, mais il est comme attaché à la terre. Comme quoi, tout au long du voyage, ses rêves vont dévoiler ses angoisses et ses questions, ce qui est aussi d'ailleurs la fonction des rêves. Durant ses escapades, dans les songes, hors du bateau, il rêve à Françoise, à la France, à l'Indochine et aux autres navigateurs qui, comme lui, ont tenté l'aventure. Où sont-ils d'ailleurs ? Savent-ils où je suis ? Se dit-il. Depuis la Tasmanie, moi, Tessier n'a rencontré aucun bateau et n'a donc livré aucun message. Il ne sait même pas si quelqu'un a vu après le Cap Horn. À Plymouth, on célèbre déjà son arrivée future, prévue selon les estimations, fin avril. Ils ne le savent pas encore, mais moi, Tessier, hésite à les rejoindre. Le 28 février, entre Horn et Bonne-Espérance, moi, Tessier change d'avis. Son corps est fatigué, faible. Alors, pourquoi tenter de nouveau Espérance et puis l'océan Indien risque de perdre Joshua ? Certes, il a assez de vivres, mais son corps suivra-t-il ? Et ses proches, est-ce qu'ils le comprendront ? Il y a les films aussi, 92 bobines de 30 mètres, presque tout le stock y est passé. Il a vu tellement de choses lors de ce tour du monde. Pourquoi risquerait-il de tout perdre? Allez, cap au nord. Moitessier devient raisonnable. Enfin, une journée. Car la nuit, il s'agite, il cogite. Rentrer en Europe le rend malade. Il n'est pas d'ici, pas de cette époque, pas de ce continent. Dans la longue route, il écrira. Je n'en peux plus des faux dieux de l'Occident, toujours à l'affût des araignées qui nous mangent le foie, nous sucent la moelle. Et je porte plainte contre le monde moderne. C'est lui le monstre. Il détruit notre terre, il piétine l'âme des hommes. Les traves vers l'Orient, Moitessier retrouve la paix. En mars, proche de Bonne-Espérance, sur un petit magnétophone, il enregistre ses confessions à destination de son ami éditeur, Jacques Artaud. Vraiment, je suis heureux en mer, Jacques. Vous n'avez pas idée à quel point je suis bien. Vous n'en avez pas idée. C'est formidable. Hein, ça fait 6 mois et des poussières, mais vous n'avez pas idée de ce que je suis bien, tout seul, tranquille. C'est pas toujours rigolo, mais quand c'est beau, mais c'est... Vous voyez, c'est comme quand on se tape la tête avec un marteau, c'est bon quand on s'arrête. Mais je plaisante, là, mais... C'est fantastique, hein, tout ce que j'ai pu sentir, tout ce que... C'est quelque chose... Oh, je ne sais pas si je pourrais raconter tout ça, je ne sais pas comment je pourrais le raconter, mais c'est fantastique. Alors, je n'ai pas envie de m'arrêter maintenant. Ce serait une connerie de rentrer en Europe. L'Europe, enfin, je vous en parlerai, mais je ne vois pas ce que j'irais foutre en Europe maintenant, vous voyez. Il y a trop de choses qui sont fausses. J'ai fait que cavaler dans ce pays. J'ai jamais pu vivre un mois plein, ce que j'appelle vivre, vous voyez, vivre vraiment, mais laisser le soleil rentrer en soi, laisser avoir vraiment la grande paix, ben, j'ai pas trouvé ça en France, hein, je l'ai jamais trouvé. Je me vois pas remonter vers le nord, regagner un continent qui est pas le mien finalement. Je suis né en Asie. J'ai vécu 26 ans, qu'est-ce que vous voulez, je peux pas, je suis marqué par une autre civilisation, vous voyez, la civilisation européenne, ce monde moderne, eh ben, il me fatigue, il me tue, il me crève, hein. Le 18 mars, à la pointe du continent africain, Moitessier fait signe à l'aide d'un petit miroir à une vedette qui se trouve dans la baie. À l'aide d'un haut-parleur à pile, il se présente. « Je suis Moitessier, ne m'accostez pas !» La vedette se rapproche. Le marin lance alors sur le pont un jerrycan en plastique où il avait placé quelques cassettes, des bobines de film et 2 bonnes poignées de pellicule photo à destination de Jacques Artaud. « Voilà, transmettez cela d'urgence au consul de France, » dit-il. Moitessier borde ensuite ses voiles et reprend la route vers le large, cap au sud. Là, il rencontre un grand pétrolier. Il s'approche de lui. À l'aide de son lance-pierre, il envoie un message pour le Sunday Times. À l'intérieur, on peut lire ces mots. « Cher Robert, le Horn a été arrondi le 5 février, nous sommes le 18 mars. Je continue sans escale vers les îles du Pacifique parce que je suis heureux en mer et peut-être aussi pour sauver mon âme. À Londres, comme à Paris, on le croit fou. Enfin, est-ce possible? Il aurait remporté les 2 prix ainsi que la gloire, mais non, il a préféré l'infini. » C'est finalement Knox Johnson et son catch Swahili qui remportent cette course. Le 22 avril, après 312 jours en mer, on le célèbre à Plymouth. Moitessier, lui, est en approche de l'Australie. Joshua passe ensuite le Cap Tewin, la Nouvelle-Zélande, et puis vire vers le nord du Pacifique. Sa longue route s'arrête ainsi le 21 juin 1969 à Tahiti, après 300 jours en mer et 70 000 kilomètres parcourus. Qu'a-t-il découvert durant son voyage, lui demande-t-on. Vous avez lu L'homme de Moravia, qui dit « La mesure humaine n'est pas le gigantesque et le minime, c'est l'universel et le particulier. » L'universel, c'est ça que j'ai trouvé en mer. Et le particulier, c'est mes choses, ma moque de café, mon tabac, vous voyez. Et j'avais l'universel, les étoiles, toute la mer, toute cette immensité, tout ce que vous appelez le désert, qui n'est pas le désert. Saint-Exupéry en a parlé d'une manière splendide du désert. Le désert, ce n'est pas le sable, ce n'est pas ceci, c'est faire sa religion d'une fontaine. voyez, sa religion d'une simple petite fontaine. C'est ça le désert. When your soul isn't right and it's raw to the night, it's in your hands. When the traces of dawn come to fade in the light, you're in safe hands. Heavy seas of love, radiance is in you. As above, so below, on the heavy seas of the day will now give, how those seeds will now live, it's in your hands. Heavy seeds of love, radiance is in you, as above, so Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la belle aventure en mer de Bernard Moitessier, notre invité Titouan Lamazou. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien. Parfait. Je dis ça parce que vous êtes en direct, bien sûr, et des studios de France Bleu à Nice. Alors, je le rappelle aux auditeurs, vous êtes navigateur, tout le monde le sait, hein, vainqueur en 90 du premier Vendée Globe Challenge, mais aussi peintre et dessinateur. On en parlera d'ailleurs un peu à la fin de l'émission. En juin dernier, vous avez publié un nouveau carnet de dessins que j'ai entre les mains, de portraits de femmes intitulé L'Atelier des couleurs, femmes du monde, publié chez Gallimard. Voilà. Avant de commencer cet entretien, je souhaiterais remercier Jean-Michel Barrault, ami de Bernard Moitessier, auteur d'une biographie passionnante du navigateur intitulée Le long sillage d'un homme libre, car il nous a transmis certaines des archives que vous avez entendues lors de cette émission, qu'il soit donc remercié. Titouan Lamazou, en 68-69, lors de cette première course autour du monde en solitaire et sans escale, vous aviez, si mes calculs sont bons, 13 ans. Quel souvenir vous gardez de cette course? C'est ça, non, 13? Plus, moins, alors, plus? Je pense que ça a eu une, comme pour certains d'entre mes camarades qui sont devenus marins un peu plus tard, je pense que cette course a eu une influence. Nous avions lu « Seul autour du monde » de Josua Slocum, comme Moitessier l'avait lu aussi, puisqu'il avait donné le prénom de Slocum à son bateau, hein. Comme nom pour son bateau, vous voyez, ou comme Jack London d'ailleurs, parce que le premier bateau de Bernard Moitessier, c'était le Snark, comme le bateau de Jack London. Mais je pense que la longue route, et vous l'avez évoqué en début d'émission d'ailleurs, il y a ceux qui ont lu Sur la route de Kerouac, ouais, et qui sont partis vers l'Est, vers l'Inde, le Népal, l'Afghanistan, et puis ceux qui ont lu La longue route de Moitessier et qui mirent le cap à l'ouest, et vers les îles, et vers les océans maritimes. Je pense que Moitessier a ouvert des routes maritimes du possible, si vous voulez. Il a ouvert cette route maritime du possible, et d'ailleurs, à cette époque-là, très jeune, vers l'âge de 17-18 ans, j'ai quitté les Beaux-Arts en partant en bateau-stop sur les rivages de Méditerranée pour aller cap à l'ouest vers les îles des Antilles. Et c'est là, si vous voulez, c'est ce qui m'a permis d'apprendre le bateau d'un d'un bord à l'autre, et j'ai été à l'époque embarqué par un autre marin très connu de l'époque, qui était Éric Tabarly. Oui. Éric Tabarly m'a embarqué dans un tour du monde, un tour du monde qui est magnifique, qui était émaillé de quelques régates, mais qui était surtout par le chemin des écoliers, on allait d'îles en îles, et arrivé à Papeete en 77, eh bien, nous avons reconnu tout de suite la silhouette du grand gaillard qui a pris les amarres sur le quai, et c'était Bernard Moitessier. Bon, alors, j'avais à peine 22 ans à l'époque. Donc vous l'avez rencontré. Quel souvenir regardez-vous de l'homme ? Je l'ai rencontré à ce moment-là, on l'a vu, puis je l'ai surtout vu dans ma vie, je l'ai rencontré à diverses reprises, surtout 10 ans plus tard, dans les années 80, j'étais retourné en Polynésie pour retrouver ma fille et sa maman qui habitaient là, et je m'étais installé dans l'île de Taha, et il se trouve que moi aussi habitais cette île à l'époque, et tous les matins, il arrivait avec son vélo, et puis on partageait une clope, un café, et on discutait. Enfin, on discutait, c'est surtout moi qui discutais, parce que j'étais pourtant un jeune freluquet, je venais à peine d'accomplir mon premier tour du monde en solitaire à l'époque, mais c'était un homme qui écoutait les autres, et qui avait une... Vous vous sentiez formidable quand vous discutiez avec Bernard Moitessier. Alors, les choses dont je me souviens de cette époque-là et qui m'avaient marqué, c'était un conseil de sa part. Et il disait qu'il fallait vraiment veiller, être attentif à ses voix intérieures. Je pense qu'il a passé sa vie à essayer d'écouter ses voix intérieures qui sont parfois un murmure, qui sont difficiles, couverts par le brouhaha de la vie, du quotidien, des idées reçues ou conventionnelles. Et voilà, il appelait ça d'ailleurs dans son ouvrage, il appelait ça, c'était sa voix intérieure, c'était celle de l'enfant qu'il était, et celle les voix extérieures, enfin qui couvraient cette voix intérieure, elle était symbolisée dans ses écrits par un dragon, comme il avait dû voir sur des iconographies dans son enfance asiatique. Laura Cahen, La Jetée. Efface la peine et ma peau s'y plaît. Les jeunes filles en été se baignent sous la jetée. La jetée, la jetée, le phare. Je m'y suis. Sensible, Fabrice Drouel. Alors l'un des fantômes de Moitessier, si j'ose dire, s'appelait l'Europe, terre où florissait la société dite des Trente Glorieuses, hein, et de la consommation à cette époque-là. Lui, l'enfant d'Asie, voulait retrouver le Pacifique. On va écouter un extrait du documentaire de Moitessier qui raconte le moment où il a fait justement le choix de ne pas rentrer. J'ai senti le changement vers le quatrième mois. Je savais que je n'avais pas envie de revenir, voyez, que ça ne valait pas le coup. Je le sentais. Je ne l'avais pas encore dit. Je n'osais pas le dire, je n'osais pas me le dire à moi-même. Un tour du monde sans escale, 8 mois tout seul. ça n'avait jamais été fait, tout seul avec tout ce que ça représente, tout ce qu'il y a autour de ce tout seul, vous voyez, la bouffe, la fatigue, la tension nerveuse. Donc, je sentais que je n'avais pas envie de rentrer, que rien ne m'attirait, que les règles du jeu avaient changé. Avant le départ, il n'est pas question de jouer autrement que selon ces règles. Mais ensuite, petit à petit, la solitude, ce que l'homme de la rue appelle la solitude, en réalité, c'est une participation à l'univers entier. Donc ce n'est pas la solitude, mais cet enrichissement, c'est cette pureté. Vous savez, on est à la fois un atome et un dieu, en réalité. Les règles se sont modifiées en moi. Et il y avait certaines choses qui comptaient au départ et qui ne comptaient plus du tout. Après le Cap Horn, il n'était plus question de rentrer en Europe. Plus question de rentrer dans ce merdier de la presse. La presse, je lui dégueule dessus, je lui vomis dessus. Elle m'écœure. Qu'est-ce que j'aurais fait? Je serais arrivé en Europe, il y aurait eu 50 macrottes qui me seraient tombées dessus. On m'aurait traîné comme un singe, j'aurais été épuisé, complètement abruti. Mais il n'en était pas question, j'aurais été fou de rentrer. C'était de la folie furieuse. Alors, on voit que moi, Tessier, était porté par d'autres valeurs que celles de la compétition et de la gloire. Il le dit, là. En même temps, il y a Tabarly, alors peut-être le père des courses modernes de la compétition. De quelle école, vous sentez-vous le plus proche? Celle de moi, Tessier, celle de Tabarly, ou les deux, finalement? Les deux, en tout cas, se sont suivis en période séparée, disons, mon existence. C'est vrai que là, vous insistez sur un aspect de Bernard Montessier qui était très important. Il aurait pu inventer le concept « less is more ». Il était rétif à toute possession, et une des raisons pour lesquelles il n'est pas rentré, c'est qu'il voulait pas entacher son tour du monde par la vulgarité d'un prix en argent. Et d'ailleurs, quand il a publié La Longue Route, on se souvient qu'il a refusé de toucher des droits d'auteur. Il s'est bien vendu, ce livre. Et il les avait donnés, ce que personne n'a compris. Il avait offert ses droits d'auteur au pape. Mais c'était une manière symbolique. Et vous voyez, voilà, c'était un peu une attitude très chrétienne, d'ailleurs, de dénuement. Et pour encourager le pape à essayer d'aider le monde. Donc il faisait... C'était un peu un colibri de Rabbi avant l'heure. Voilà. Et Éric Tabarly, effectivement, ouais. il faut que vous sachiez qu'ils se connaissaient, les deux personnages, les deux grands marins, se croisaient, se respectaient beaucoup. Et de toute façon, il y avait chez Bernard Montessier une bienveillance. Il avait, dans ses propos, quand il parle à un micro, il est parfois assez véhément, mais dans la vie, je peux vous dire que c'est un homme extrêmement doux. Il était très lumineux, très doux et très bienveillant. Moi, dans mes courses, il me demandait toujours de raconter ses courses. Et effectivement, moi, on avait craint d'ailleurs que je fasse le même coup lors du Vendée Globe. Mais il n'en était pas question. J'avais absolument envie de gagner. Mais de toute façon, il n'y avait rien à gagner. Enfin, je veux dire, de tangible. Il n'y avait pas de prix en argent. Mais il y a une part de poésie qui est très très forte chez moi, Tessier, c'est ce qui frappe. Cela dit, tous les marins, même ceux qui vont pour gagner, des sportifs, des gagneurs, il y a aussi toujours cette part de poésie, parce qu'on ne peut pas parler, j'imagine, de la mer autrement qu'envahie par cette poésie-là. Que représente moi, Tessier, pour les navigateurs de votre génération? Alors, de ma génération, parce que je pense que Gabart ou Le Cléache ont peut-être des références plus récentes. Oui, donc de votre génération. Moi, ma génération, c'est assez important parce que, d'abord, nous l'avons connu. Je me rappelle les dernières périodes où j'ai rencontré Bernard Montessier, c'est lorsqu'avec Florence Artaud, nous avions fondé le Trophée Jules Verne. Et Bernard Montessier, à l'époque, c'était dans les années 90, était revenu bizarrement habiter en France. Et il habitait en banlieue parisienne. Et il trouvait ça, comme tout le temps, il trouvait ça formidable, la banlieue. Il trouvait ça formidable parce qu'il allait nager à la piscine municipale tous les matins. Et il écrivait son dernier livre. Et il nous a beaucoup aidés. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, avec Florence Artaud, qui a été aussi influencée, Florence Artaud, vous avez parlé de Jacques Artaud, c'était son père, qui était l'éditeur de Bernard. Donc, toute petite, Florence Artaud avait bien connu Bernard Montessier et qu'il avait marqué. Vous devriez faire une émission sur Florence Artaud un jour. Mais pourquoi pas? Et oui, oui, c'est un petit bonhomme qui vaudrait bien la peine. Donc là à l'époque, on avait créé justement un tour du monde, le trophée Jules Verne qui existe toujours aujourd'hui, pour nous étions des révoltés avec Florence qui plaisait bien à Bernard Moitessier, et on voulait créer une course qui soit ouverte à tous les navires, qui soit calquée sur le règlement ou l'absence de règlement qui avait du Golden Globe quelques dizaines d'années plus tôt, c'est-à-dire une liberté totale. Simplement, le seul règlement, c'est de faire le tour du monde sans escale et sans assistance, et de revenir en étant allé plus vite que son camarade. Quoi, voilà. Et donc c'est à cette occasion d'ailleurs que c'était drôle. Le jour du lancement, un autre personnage est venu nous aider. C'était Sir Robin Knox Johnston. Et Bernard Moitessier ne l'avait pas revu depuis l'époque du Golden Globe. Voilà. Et donc nous avions eu cette aide de Moitessier. Donc c'est pour nous, c'est quand même un homme, on en parle comme un homme du passé, mais c'est un homme assez présent dans les gens de ma génération. En tout cas, ça c'est sûr. Quel est votre regard sur les courses d'aujourd'hui? Parce qu'on voit qu'il y a un gouffre quand même entre ce qu'on raconte en 1969 et ce qu'on raconterait aujourd'hui. On a gagné en vitesse, en technologie. On a gagné aussi sur l'opinion. Sur les gens maintenant s'intéressent énormément à ces courses de voile. C'est fascinant. Ces bateaux sont des bolides. Bref, quel regard vous portez-vous sur la voile de compétition aujourd'hui? Je la suis parce que ça fait partie de quasiment mon ADN, tout au moins le Vendée Globe, hein. le trophée Jules Verne. Mmh. Et je reste lié avec certains marins, notamment des vous savez, il y a certains héritiers qui se revendiquent ou pas de Bernard Moitessier, mais vous avez un certain nombre de marins qui ont été impliqués parce que Bernard Moitessier, dans une partie de sa vie, on l'a peut-être pas évoqué avec la longue route, mais c'était un écologiste aussi, un des premiers écologistes qui était assez actif, qui écrivait aux maires de France en leur demandant de planter des arbres fruitiers le long des routes, etc., etc. Et vous verrez que dans beaucoup, chez les femmes surtout d'ailleurs, vous voyez Isabelle Autissier, vous voyez Hélène MacArthur qui a créé sa fondation, Isabelle Autissier, qui est présidente du WWF, vous avez mais des marins aussi, comme Laurent Jourdain, Roland Jourdain, pardon, qui est un ancien du Vendée Globe, qui lui milite pour une fabrication vertueuse des navires, c'est-à-dire d'essayer de faire des navires qui soient construits de façon respectueuse de la nature, ce qui n'est pas le cas des bateaux de course aujourd'hui. Donc voilà, il y a quand même un héritage qui est resté aujourd'hui, comme vous le disiez vous-même. C'est de toute façon, qu'ils se réclament ou pas de Bernard Moitessier, ce sont quand même des gens qui vont sur l'eau, sur des voiliers, et les choses n'ont pas réellement complètement changé. De ce point de vue-là. Il nous reste une seule minute, Tito Lamazou, ça passe vite. Une seule minute, je voudrais qu'on parle un peu de votre livre, celui que j'ai entre les mains, qui est très beau, L'atelier des couleurs, Femme du monde. Qu'est-ce qui fait courir votre pinceau de dessiner des visages de femmes, alors vraiment du monde, hein. On croise une érythréenne, on croise une européenne, caporal-chef dans l'armée, c'est quoi votre motivation? Je l'ai évoqué tout à l'heure, quand j'ai quitté les Beaux-Arts, j'étais assez jeune, j'étais attiré, c'était une deuxième vocation, mais je me suis rendu compte que mon inspiration venait dans le mouvement, et si vous voulez, si j'ai une toute seconde, je peux vous citer. Vraiment 15 secondes, allez-y. Oui. 15 secondes. Oui. Moitessier, justement, Moitessier qui avait eu comme sujet de rédaction à l'école un sujet, c'est Pierre qui roule la masse pamousse. Et il avait eu un zéro, comme toujours, parce que il disait que plus on fait de choses diverses dans la vie, plus on bouge, plus on voyage, et moins on risque alors de se laisser encrasser par de mauvaises habitudes et autres saletés qui voudraient nous coller à la peau. Eh bien, le professeur a dit qu'il avait rien compris, que c'était un zéro. Bon, ce sera le mot de la fin, Tito Lamazou, je suis vraiment désolé. Mais là, c'est pas comme la mer, hein. On n'a pas de liberté, en tout cas, par rapport au temps. Hein. C'est notre seule contrainte. Merci beaucoup. Je suis tout seul dans mon studio, comme sur un bateau, là, à Nice. Au revoir, merci, bon vent. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la fantastique aventure en mer de Bernard Moitessier, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur France Inter. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Gilles Gaillard qui était à la technique.